de toute une vie à rappeler. Radio Campus Lille, il est midi. Are you all ready? Here we go. Bonjour, il est midi ce samedi 20 octobre et vous écoutez Radio Campus sur 106.6 MHz. Nous sommes le troisième samedi du mois, un nouveau rendez-vous à retenir, l'émission Angle d'attaque de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est d'ailleurs plutôt à l'action citoyenne que nous travaillons actuellement, comme vous le verrez. Angle d'attaque était programmé l'année passée, le troisième jeudi à 19h, et ce changement d'horaire va nous amener à rencontrer d'autres auditrices, d'autres auditeurs. Nous en sommes ravis. De quoi parle-t-on à Angle d'attaque ? De la société, de tout ce qui va faire la vie économique et sociale de notre époque, selon notre point de vue, bien sûr. L'heure que nous allons passer ensemble est divisée en gros en quatre séquences. Tout d'abord, l'actualité que les vrais pros de la radio appellent actu, pas n'importe laquelle, celle de notre association, un peu notre gazette qu'on vous fait partager. Puis, un thème central qui se veut une réflexion sur la société, thème que nous approfondissons avec un ou plusieurs invités. Ensuite, nos lectures, on le verra avec Christian tout à l'heure. Et puis enfin, eh bien, les rendez-vous militants du mois que je présenterai. Je précise tout de suite, j'y reviendrai, que cette émission est prolongée par un débat public le surlendemain à l'Amresse, rue Gosselet, le lundi à 19h30, qui suit le troisième samedi du mois. Un thème central, un invité ou une invitée. Le thème d'aujourd'hui va se poursuivre durant plusieurs émissions. Il s'intitule « L'économie sociale et solidaire ». Notre invité de ce jour est responsable du master alors APIE2S, Action publique, institution, économie sociale et solidaire, à la faculté de sciences économie Lille 1, à l'université qui héberge Radio Campus. Florence Janicatrice, bonjour. Bonjour. Vous allez vous entretenir avec Christian et Germain, et ainsi que René d'Attaque Lille, qui sont chargés de donner le point de vue d'Attaque, qui vont affûter leurs questions. Notons que cette émission a été enregistrée le lundi 15 octobre au soir. Mais avant toute chose, René va tout nous dire sur l'actualité d'Attaque. Oui, le temps nous avait manqué au cours des deux émissions précédentes et nous avions dû écourter ou laisser de côté la rubrique activité d'Attaque. Donc tout d'abord, je vais présenter les activités récentes du collectif pour un retour en régie publique de l'eau et des premiers mètres cubes gratuits. Ben, que nous allons appeler pour plus de simplicité collectif eau. Pour rappel, c'était un des thèmes de notre émission du 30 août avec l'intervention de Pierre-Yves Pira, animateur du collectif. Donc, tenu d'un stand à la braderie de Lille, les 1er de septembre, qui a permis la collecte de quelques centaines de signatures. Oui, le stand se tenait dans la braderie solidaire organisée place du Vieux Marché aux Chevaux, en face du Café Citoyen, organisé par le Café Citoyen d'ailleurs. Deux associations ont rejoint récemment le collectif, les gens d'Elem et le Bruant Réveillé de Ronchin. C'est magnifique comme nom quand même, le Bruant Réveillé. Oui. Et ce qui porte à 21 le nombre d'organisations constituant le collectif. Alors, je sais que les gens d'Elem ont tenu une conférence débat le 19 septembre à Elem avec une intervention de Pierre-Yves Pira qui est demandé partout et une projection aussi du film Water Makes Money, Schwamps. Oui, et d'autre part, les Amis du Monde Diplomatique ont aussi tenu une conférence débat sur la gestion de l'eau en régie publique en métropole lilloise le 10 octobre à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, c'est-à-dire l'AMRES, c'est plus simple à dire, avec également l'intervention de Pierre-Yves Pira, conférence d'ailleurs très intéressante. Et également, une prochaine réunion publique est prévue à M le jeudi 25 octobre à 19h à l'initiative du SAV. Alors le SAV, c'est Sauvegarde et Amélioration du Cadre de Vie et de l'Environnement. Non, et toujours avec l'intervention de Pierre-Yves Pira. Décidément, oui, c'est la vedette. Et le collectif, en plus de ses réunions régulières de fonctionnement, organise des sessions de formation sur le thème de l'eau à l'AMRES, 23 rue Gosselet à Lille, pour rappel. La première a eu lieu le samedi 6 octobre et portait sur les différents modes de gestion de l'eau. Les prochaines se tiendront le samedi 20 octobre de 9h à 12h sur le prix de l'eau et la facturation, et le samedi 10 novembre, toujours de 9h à 12h, sur le rapport annuel de l'eau et la délégation de services publics. Alors René, maintenant il faudrait quand même que tu nous parles de ce fameux débat qui devait avoir lieu à la LMCU, donc à la communauté urbaine, cet automne, et on ne sait pas bien ce qui s'y passe apparemment. Toi tu le sais, tu y étais. Oui, j'ai assisté à la première session. À la première session, il y en a plusieurs donc. Oui, est-ce que c'était vraiment un débat ? Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire, le collectif a été invité en tant que relais d'opinion. Donc à trois ateliers, dans le cadre de ce débat, bien sûr, organisé par LMCU, qui tiennent bien sûr lieu de débat public. Le premier atelier, donc, s'est tenu le vendredi 21 septembre, de 9h à 13h, bien sûr dans les locaux de LMCU, c'est-à-dire, je rappelle, Lille Métropole Communauté Urbaine. Rue du Ballon, à Lille. À Lille, près du cimetière de l'Est. Voilà. Il comportait deux tables rondes, suivies de débats. Le thème était la ressource en eau et sa gestion. Alors cet atelier, qui par ailleurs était intéressant au point de vue des informations techniques apportées sur les nappes phréatiques, la géologie, etc., s'est vite révélé n'être qu'une réunion d'experts, c'est-à-dire des élus, techniciens, représentants des multinationales, de l'eau bien sûr. Par contre, les représentants d'associations, de mouvements citoyens, comme on dit la société civile, étaient peu présents. Évidemment, vu la date choisie, un jour de semaine, ce que d'ailleurs avait déjà notifié Antoine au cours d'une émission précédente, si je me rappelle bien. Effectivement, c'est assez dur pour des salariés qui travaillent en semaine de 9h à 18h du lundi ou vendredi pouvoir se rendre de 9h à 13h le vendredi matin. Car il faut rappeler que généralement, les responsables d'associations sont aussi des travailleurs, des salariés. En plus, ces représentants étaient marginalisés. Et leurs quelques interventions au cours des débats ont été rapidement écartées au prétexte que ce n'était pas l'objet du débat, enfin du moment. En fait, c'était pas un débat, alors. Ça se discute apparemment, René. De quoi on a parlé, alors ? Quel était le thème de cette première réunion ? Ça portait donc sur la ressource en eau de métropole et sa gestion. Ok, entendu. Et aussi d'améliorer cette gestion de l'eau, ce qui en soi est plutôt louable. Mais dans d'autres conditions pour lesquelles nous militons avec Pierre-Yves Perra, bien sûr, et dans le collectif. Oui, en somme, on était loin donc du véritable débat public promis, c'est bien ce qu'on comprend. Et on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de démocratie participative ou de simplement participation ? Non, pas vraiment, pas du tout. Et ce qui est plus grave, il nous semble qu'après avoir envisagé l'éventualité d'un retour en régie publique, LMCU pencherait maintenant plutôt pour une délégation. La manière dont s'est déroulé cet atelier, la déclaration de l'un des représentants des multinationales, je le cite, « j'ai confiance en l'avenir », peuvent nous le laisser craindre. Enfin, il faut le signaler également, le site internet de LMCU concernant le débat sur l'eau est inactif. Ben voyons. Un des membres des collectifs a vérifié. Aussi, le collectif a décidé de réagir par un communiqué de presse, une lettre ouverte à Martine Aubry et Alain Cacheux, qui sont présidente et vice-président de la communauté urbaine, LMCU, une motion destinée aux conseillers municipaux des communes dépendantes de la communauté urbaine. Et il y en a quelques-unes. Oui, 85, je crois. Oui, à peu près, oui. Pour impulser donc dans leur commune un véritable débat public sur l'eau avec les citoyens et faire remonter les doléances au conseil communautaire. Enfin, le collectif, bien sûr, a aussi informé la presse régionale et nationale. On a même évoqué le canard enchaîné. Ah. Oui, sur, bien sûr, cette curieuse conception de la démocratie au sein de LMCU. Il est prévu également une manifestation, un genre de sit-in, au siège de LMCU le 9 novembre à 13h, qui est le jour de réunion du conseil communautaire. avec bien entendu présence de la presse. Bien sûr, également des campagnes d'information du public par tract et affiches sont prévues. Et enfin, une grande réunion publique pour début décembre avec des intervenants de haut niveau. Par exemple Jean-Luc Touly ou Gabriel Amar qui a ramené le syndicat de communes des Lacs de l'Essonne en régie publique, pour rappel, Raymond Avelin ou d'autres. Et enfin, élaboration par les membres du collectif, qui peuvent y participer, d'une stratégie pour l'atelier du 19 octobre, qui portera, lui, sur la consommation durable et l'accessibilité à l'eau. Ok, bien écoute, tu ne manqueras pas de nous faire part de ce qui s'est passé dans ce collectif avec le nombre d'actions que vous avez menées et l'évolution de cette campagne qui lutte, faut-il le rappeler, sur une régie publique de l'eau. Qu'il y ait en premier lieu un véritable débat démocratique. On avait même demandé un référendum local, mais là, il ne faut pas rêver non plus. Et puis René, il faut quand même dire un mot sur les assises citoyennes qui ont déjà démarré en septembre. Il y a une réunion la semaine passée. Et qu'est-ce qu'on y fait alors ? Oui, ce que nous avons appelé les assises citoyennes, donc l'audit citoyen de la dette publique, a déjà tenu deux réunions. La première, c'était le 9 septembre, c'était en quelque sorte la réunion de rentrée. Et la dernière, le mercredi 10 octobre, donc tout récemment. Et les assises citoyennes ont dans leur carton de nouveaux projets de travail, notamment sur la décentralisation et la santé. Oui, et d'autres choses. Mais effectivement, donc ça redémarre tout doucement et on a en ligne de mire, Antoine en parlera tout à l'heure, le Forum social européen. Merci Christian, merci René. Je propose une petite pause musicale, ça vous dit ? C'est Germain qui a choisi le morceau. 1945, victoire sur l'occupant nazi, la France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages, pour tous c'est le tarif unique, ça veut dire ça, service public. L'égalité entre usagers, le confort, la sécurité, c'est le cadet de leurs soucis, à ceux qui dirigent le pays. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Et maintenant, nous abordons le thème central de l'émission, l'économie sociale et solidaire. Christian, Germain. Oui, merci Antoine. Une précision tout de suite pour nos auditrices et nos auditeurs. Cette émission sur l'économie sociale et solidaire est la première d'une série consacrée aux pratiques en cours dans l'économie sociale et solidaire. Je veux parler de monnaie locale, de financement solidaire, des AMAP, mais aussi les mutuelles, les banques et les assurances. On invitera des témoins, des gens impliqués, bref, des hommes et des femmes qui vivent et qui ont quelque chose à dire sur la production et les services de l'économie sociale. Oui, d'ailleurs, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ne savent pas encore qu'on va les appeler pour une émission. On espère bien avoir du monde et ce serait très bien qu'ils écoutent. Au moins, ils auraient une première idée de ce que nous sommes capables de faire et ce qu'on va attendre d'eux. Et on a donc quelques idées, en effet. Oui, et Florence peut nous aider. Alors, effectivement, pour cette première, nous avons pensé que sa position de chercheuse serait précieuse pour questionner un phénomène comme l'économie sociale et solidaire, dont on ne mesure pas forcément l'impact et la part qu'elle prend dans la société. L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui consacrée par l'université et nous avons même un ministre qui n'a pas encore fait beaucoup parler de lui sur ce thème. Alors, Notre position aujourd'hui d'attaque, c'est pas du journalisme, c'est pas écouter quelqu'un qui va parler de l'économie sociale et solidaire. Seulement, c'est aussi des échanges avec nos propres valeurs à attaque. Et on pense que les valeurs d'attaque sont pas très éloignées quand elles sont pas tout à fait les mêmes de l'économie sociale et solidaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je l'ai déjà dit, qu'il y a un ministre, mais en fouillant un peu l'information, je me suis aperçu qu'il y a eu un rapport au Premier ministre en 2010, il y a eu un rapport plus récent de la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, un rapport avec un titre assez fort, hein, « Les coopératives en France, un atout pour le redressement économique », rien que ça, et enfin, je l'ai dit, donc un ministère, qui va produire en principe une loi cadre pour 2013. Bref, ça bouge dans le Landerneau ESS. L'ESS a une histoire convaincante, elle doit avoir un avenir, on n'en doute pas, nous à attaque, mais que la politique comme ça s'en mêle, est-ce que n'aurait pas un peu des idées de pour pallier la crise économique, Florence, comme, on pourrait commencer comme ça ? Oui, bonjour à tous. D'abord, oui, c'est très bien que tu aies commencé comme ça, parce que effectivement, je pense que introduire l'économie sociale et solidaire au regard de la crise économique, celle qu'on traverse déjà depuis sans doute de très nombreuses années, mais de manière avec encore plus d'acuité depuis 2007, est tout à fait intéressant. Pourquoi ? Eh bien, pour au moins deux ou trois raisons. La première, c'est que l'engouement qu'on identifie et que tu as bien présenté par le rapport Vercamer, Lienemann, le fait que nous ayons aujourd'hui un ministre dédié à la question de l'économie sociale et solidaire en sont un indice de cet engouement. Cet engouement autour de l'ESS nous permet d'imaginer que on puisse être aujourd'hui en quête de solutions sans doute plus enchanteresses que celle de l'austérité générale dans laquelle nous mène le traité européen. Alors c'est là-dessus déjà ce premier point, l'idée qu'il puisse y avoir des solutions plus louables, plus optimistes en quelque sorte que cette austérité mortifère, c'est déjà un point sur lequel on peut être d'accord avec vous, le réseau ATTAC et puis sans doute le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Deuxième raison pour laquelle il y a, de mon point de vue, un engouement autour de l'économie sociale et solidaire, c'est directement lié à la crise, si toutefois on accepte de considérer que la crise ou les crises sont des crises de la démesure. Alors pourquoi je pense qu'on est dans des crises de la démesure ? Parce qu'il y a sans aucun doute une crise de la démesure financière, celle qui a créé des formes de construction par l'humain d'outils dont il n'a plus la maîtrise aujourd'hui, hein, qui nous a mis dans cette crise financière. Une crise de la démesure écologique avec un découplage énorme entre ou un couplage trop fort plutôt entre la croissance économique d'un côté et les destructions massives environnementales auxquelles nous devons faire face. Et puis une crise de démesure du sens. Et c'est là sans doute, mais pas seulement, que l'économie sociale et solidaire rejoint cette question de la crise. Il y a une vraie crise de la démesure parce que nous produisons aujourd'hui pour produire en quelque sorte et sans même plus interroger le sens de ce qui est produit, en particulier dans les activités productives. Et cette crise du sens, au fond, elle nécessite c'est une invitation peut-être, si on en prend conscience, d'essayer de renouer avec les finalités de ce que nous produisons, avec des activités qui pourraient sans doute être un peu plus localisées ou relocalisées, des économies qui soient des économies de proximité, où il puisse y avoir du lien entre les échangeurs, en quelque sorte, entre les produisants, les consommants, des échanges peut-être plus solidaires, dans une forme de démocratie un petit peu renouvelée. Et il me semble que tout ça, c'est justement l'un des enjeux que porte l'économie sociale et solidaire, sans être le seul acteur à le porter. Alors, je suis assez content de ce tableau d'entrée qui nous fait pointer les éléments moteurs de la crise. Encore qu'il y ait dû de l'avoir de l'économie sociale et solidaire en dehors de la crise, je suppose que ça a existé. Mais bon, je pense qu'on va s'en tenir à ce tableau-là. Ce qui est peut-être intéressant maintenant, c'est de dire c'est quoi l'économie sociale et solidaire ? Le problème, c'est que c'est multiforme, multi-associations, multi-statuts, je veux dire, multi-tailles. Donc, il faudrait peut-être faire un tableau un peu générique pour faire comprendre. Et puis, il y a une question qui... je vais la poser comme ça, à brûle pour point. Comment tu es tombée dans l'économie sociale et solidaire, Florence ? Je ne sais pas si je suis tombée dedans. Je vais peut-être commencer par cette question-là en redonnant très rapidement et à grands traits la trajectoire un peu intellectuelle qui m'a amenée à l'économie sociale et solidaire, ce qui peut aussi, qui n'est pas complètement découplé des pratiques de citoyenne. Dans mes recherches, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai beaucoup travaillé avec Jean Gadret. Et donc, je travaille depuis 20 ans d'abord sous l'angle de l'économie des services, avec cette idée qu'au fond, dans une économie de services où il s'agit de moins en moins de produire des biens matériels, mais de plus en plus de faire avec des individus en coproduction avec eux un certain nombre d'activités qui vont du conseil, de l'assistance, du soin aux personnes, au transfert de connaissances, etc., etc., eh bien, dans des économies de services, on doit sans doute raisonner autrement que dans des économies qui étaient caractérisées par la production de biens matériels. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, chemin faisant, j'en suis venue aussi avec Jean Gadret à l'idée qu'au fond, le PIB, ce fameux indicateur extrêmement hégémonique dans nos représentations collectives de ce que sont les richesses, le PIB était constitué de 70% d'activités de service, justement. Ces activités-là, avec lesquelles on a des difficultés à raisonner en termes industriels. Un volume d'activités de service, on ne sait pas bien ce que c'est, etc., etc. Bon. Et du coup, on en est venu à cette fameuse critique du PIB, à la déconstruction de cet indicateur hégémonique de richesse et à l'idée que, au fond, si on ne souhaitait plus être en quête de croissance pour la croissance, comme je disais tout à l'heure, sans réfléchir au sens de ce que nous produisions, eh bien, on pouvait essayer d'élaborer de manière démocratique, je rejoins les propos de René tout à l'heure, de manière démocratique, avec de l'expertise extrêmement diverse, l'expertise citoyenne étant aussi une expertise, on pouvait tenter d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse qui seraient du coup comptés autrement que par la richesse telle qu'elle est imposée par la doxa économique. Et donc, je suis venue à l'économie sociale et solidaire par le biais d'abord de ces nouveaux indicateurs de richesse. Et puis, comme je continuais à travailler sur l'économie des services, je suis venue aussi à l'économie sociale et solidaire parce que il y a des champs entiers de l'économie des services qui sont pris en charge pour l'essentiel par les acteurs historiques associatifs et en particulier les services à la personne qui est un champ qui m'anime depuis une dizaine d'années dans des travaux que je mène par exemple avec François-Xavier De Wetter ou Thierry Ribaud qui sont aussi des chercheurs sur le campus ici à l'université Lille 1. Alors ça, c'est pour la partie ma trajectoire personnelle et pourquoi je suis tombée dans l'économie sociale et solidaire, en quelque sorte. Avec l'idée d'y mesurer la richesse autrement, c'est quelque chose, c'est une valeur qui anime le réseau de l'ESS. Et de l'autre côté, il y a aussi des champs d'activité dans l'économie des services qui travaillent avec des acteurs de l'ESS ou par des acteurs de l'ESS. Et c'est ces deux champs-là qui m'intéressaient. Maintenant, je vais reprendre ta question première, qui était finalement le secteur de le champ de l'ESS. De quoi parle-t-on ? Il est hétérogène. Et effectivement, il est extrêmement hétérogène. Et c'est tout là la grande difficulté d'essayer à la fois de capter qui ils sont et de savoir si toutes les activités que font l'ESS sont aussi vertueuses que certains le clament. Et je pense qu'il faut se poser ces questions-là si on veut avancer collectivement sur un renouveau de l'économie, voire un renouveau du capitalisme. Alors, l'économie sociale et solidaire, déjà, il y a deux termes. Au départ, on parlait d'économie sociale. Toi-même, tu l'as présenté comme ça au départ. Tu y as ajouté un peu solidaire. Évidemment, c'est une dynamique, une trajectoire historique qui est extrêmement longue, qu'on peut identifier, disons, comme ayant émergé au début ou au milieu, disons, du 19e siècle, et renouvelé sans doute depuis les années 70 et 80, en particulier en France. L'économie sociale est d'abord définie par des statuts. hein, font partie du grand champ de l'économie sociale, toutes les organisations qui sont soit associatives au sens de la loi 1901, soit mutualistes, soit coopératives. Donc avec une idée que le statut fonde ce qu'est le secteur de l'économie sociale. D'accord, j'ai d'ailleurs découvert qu'ATTAC faisait partie de l'économie sociale et solidaire. Sans doute au titre de l'éducation populaire, ouais. Ou au titre de son statut associatif. D'accord, entendu. Donc ça, c'est évidemment un bon premier point. Si on retient cette définition un peu statutaire, en quelque sorte, on estime grosso modo que le champ de l'économie sociale représente à peu près en France 10% des emplois. 10% des emplois, c'est beaucoup. Hein. C'est presque à 3 points près, donc 3 points c'est beaucoup, mais à 3 points près, c'est tout le champ de l'économie industrielle. Oui, donc dans quelques années, on sera sans doute plus un pays marqué par l'économie sociale et solidaire que par l'économie industrielle dans son ensemble, comprenant toute la métallurgie, toute l'automobile. Bon, donc c'est non négligeable. Hein. Et ça, c'est la définition statutaire. Un petit peu moins, ça représente un petit peu moins en termes de production, parce que parmi les emplois, il y a beaucoup d'emplois à temps partiel, des emplois un peu courts. On dit aussi peut-être que à l'aune de la manière par laquelle on mesure la production, les emplois sont peut-être aussi un peu moins productifs. Je mets des guillemets à cette idée du fait, oui, qu'ils soient moins productifs. Mais en tout cas, c'est un point important. Deuxième point, c'est l'économie solidaire. Alors, c'est un mouvement un peu plus récent. Les grands promoteurs de l'économie solidaire et les penseurs un peu français autour de cette question sont Jean-Louis Laville, qui est un grand chercheur au CNAM, et Bernard M, qui est sociologue. Et l'idée, c'est de moins regarder ce qu'est l'économie sociale par son statut, mais par ce qu'elle fait. Hein. Et du coup, dans le champ de l'économie solidaire, ce qui est encore un peu plus délicat à capter, l'idée, c'est d'essayer de regrouper des organisations qui mettent au cœur de leur projet des valeurs qui sont celles de la démocratie en organisation. Hein, un homme, une voix, et non pas une action, une voix. Mais qui peuvent le choisir statutairement ou par des manières ad hoc, en quelque sorte, qui fondent aussi leurs valeurs sur des finalités de production qui soient des productions qui aient un sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le font toutes, hein, mais qui aient un sens, qui soient des productions qui produisent du lien social, par exemple, ou qui soient respectueuses, en quelque sorte, du patrimoine écologique, etc., etc. Évidemment, cette nébuleuse d'activités relevant de l'économie solidaire est plus difficile à capter. Ce qui les exemplarise, en quelque sorte, ce sont les activités que tu as identifiées tout à l'heure, c'est-à-dire la finance solidaire, les circuits courts alimentaires, mais aussi l'habitat partagé, par exemple, hein, qui relève aussi de cette mouvance de l'économie solidaire, ou encore les monnaies sociales et complémentaires que tu as évoquées toi aussi. Ça n'épuise pas l'ensemble de l'économie solidaire, mais disons que ça commence à donner un petit panorama de ce que c'est. Je reviens maintenant sur le premier champ. Je disais, il y a 10% des emplois dans l'économie sociale et solidaire au sens statutaire du terme. C'est tout à fait intéressant. Mais dans le même temps, on peut se poser la question de savoir si toutes les activités qui relèvent d'organisation de ce statut sont aussi vertueuses qu'on le dit. Et c'est là tout l'enjeu actuellement de l'identité de l'économie sociale et solidaire qui se tâtonne, tout en comprenant aussi qu'elles elles sont une chance, sans doute, pour le capitalisme ou pour l'économie qui cherche à se renouveler. Par exemple, peut-on considérer que l'ensemble des activités du Crédit Agricole, mutuelle par excellence, puisse relever de l'ESS tel qu'on la souhaiterait en tant qu'activité vertueuse? La crise économique a montré que certaines mutuelles avaient joué un rôle un peu bizarre, on va dire comme ça, notamment Natixis, sur la spéculation et les produits toxiques. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Natixis, en tant que... C'est une filière, une filiale même, d'une activité du crédit, de la Caisse d'épargne, qui elle-même fait partie de l'économie sociale et solidaire. On peut considérer qu'ils se sont un peu prémunis de la critique en ce que c'est une filiale non ESS d'un acteur de l'ESS. Mais néanmoins, en s'en préservant, on voit bien qu'ils font feu un peu de tout bois dans un certain nombre de secteurs. Donc, le plus important, et c'est pour ça que l'enjeu de l'ESS est tout à fait intéressant, excitant, tout en étant aussi en tâtonnant, en quelque sorte, c'est que l'idée, c'est tout à la fois de réfléchir sur la gouvernance de l'organisation, un homme, une voix, de la démocratie participative, délibérative, au cœur même de l'organisation. Donc c'est déjà tout un projet en soi, et en même temps autour d'activités qui repensent le sens de ce qu'elles produisent, en pensant des activités qui ne soient pas destructrices à la fois de l'environnement, qui ne soient pas destructrices du lien social, et qui en même temps sans doute essaient de ne pas être dans la demesure. Je ne dis pas que tout y réussisse, évidemment, ça serait construire un tableau beaucoup trop idéal, mais une grande partie d'entre elles y réfléchissent, et souvent dans des structures extrêmement organisées. Hein, le champ de l'ESS est en train de s'organiser très très fortement. Je vais vous citer au moins deux acteurs qui le structurent sur la région Nord-Pas-de-Calais, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, hein, qui est un acteur majeur, et surtout l'acteur pour l'économie solidaire, hein, qui est un acteur central autour de Véronique Branger et de Gérard Dechy, et qui vraiment réfléchissent à cette question du sens, hein, de l'économie solidaire. Voilà. D'accord. Alors, c'est un peu le caillou dans la chaussure de l'économie de marché. Alors, caillou dans la chaussure, ça peut être considéré un peu comme du poil à gratter, peut-être, voilà, peut-être aussi. Oui, c'est compliqué. Disons que ce qui est compliqué, c'est de savoir si l'économie sociale et solidaire, elle s'est construite sur un état social qui était devenu défaillant. Et effectivement, on retrouve dans l'économie sociale tout un grand pan de l'action sociale qui s'est sans doute développé, et on le voit un peu historiquement et statistiquement, autour du fait que l'État était devenu, souhaitait se séparer d'une certaine forme de... On pourrait dire que l'économie sociale, dans un certain pan d'activité, c'est une délégation de services publics. Hein, on rejoint un peu la problématique sur l'eau. Alors, tout en ayant des activités qui sont toujours faiblement lucratives, hein, puisque l'un des enjeux de l'économie sociale par rapport à Veolia dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est quand même important de dire que c'est de la lucrativité limitée. Donc une partie, sans doute, s'est construite autour d'un état social qui était devenu défaillant. Hein, c'est l'état néolibéral qui, finalement, empêche de construire des activités de prestation de services fortes et qui soient accessibles à tous. Donc d'une certaine manière, c'est un peu ça. D'une autre manière, on peut se dire que l'État social, que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un champ qui se développe pour un marché qui serait défaillant, c'est-à-dire qu'il se loverait, il se nicherait en quelque sorte partout où il n'y a pas de marché, parce que le marché serait considéré que c'est inintéressant pour lui, parce que ça serait une niche pas assez profitable, parce que, enfin, on pourrait imaginer des tas de raisons. Mais l'économie sociale et solidaire peut être aussi envisagée. En tout cas, c'est le propos que tient Jean-Louis Laville dans son dernier ouvrage « La politique de l'association », considère que l'économie sociale s'est vraiment constituée, et tout le mouvement de l'associationnisme tendrait à le prouver, comme projet politique alternatif. Auquel cas, on pourrait imaginer que l'économie sociale et solidaire, ça soit une sorte de troisième voie. Hein ? Alors une troisième voie, jusqu'où on peut aller dans cette troisième voie qui rompe avec le capitalisme, puisque je sens que la question me pend au nez, j'ai pas la solution à cette question-là, mais dans le même temps, ça vaut le coup d'essayer d'y penser. Je pense que le projet des monnaies sociales est complémentaire, c'est un projet qui veut rompre avec un capitalisme démesuré. Jusqu'où on pourra aller dans la relocalisation de monnaies complémentaires, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse. On essaiera de poser les questions à la prochaine invitée. Germain. Moi, il me venait une question. Je voulais savoir si le statut de l'économie sociale et solidaire, c'est un statut institutionnel qui a été inventé pour cadrer les activités, ou bien si c'est une sorte de catégorie qui ressort naturellement d'une analyse factuelle du panorama socio-économique. Si je comprends bien ta question, je dirais que c'est plutôt la première réponse, mais je suis pas sûre de. On veut mettre les activités dans des cases, c'est ça ? Je dirais plutôt que il y a eu une construction il y a eu un encadrement institutionnel d'activités qui préexistaient en amont, et c'était une manière au fond d'à la fois de visibiliser des activités qui préexistaient. Hein, je veux dire, l'associationnisme n'a pas attendu la loi 1901 pour se construire. reconstruire, mais dans le même temps, ça crée des formes de garde-fous à des activités émergentes, naissantes, et puis en même temps, ça leur donnait une existence sociale, économique, politique, en quelque sorte. Oui, là, on est passé à un autre stade, dans la mesure où ce que tu dis sur l'association, c'est une association de bénévoles. Là, on s'organise, on a des salariés, on a une logique économique, pas forcément celle du marché traditionnel ou celle du profit. Tu as sorti un joli mot, d'ailleurs, sur le profit. La lucrativité limitée. C'est-à-dire que les organisations de l'économie sociale et solidaire ont tout à fait le droit de d'avoir des excédents. Mmh. Simplement, les excédents, ils sont nécessaires repartagé et réinvesti dans le projet. Donc on est très proche des projets qui veulent rompre avec le capitalisme tout en considérant qu'il faut quand même un peu d'économie pour vivre. Donc cette idée de vouloir avoir une lucrativité limitée est tout à fait intéressante pour un projet qui veut savoir raison garder dans les activités économiques. Et par ailleurs, ce sont des sociétés qui ne peuvent pas être cotées en bourse. Donc c'est aussi une autre manière d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'est l'ESS. L'ESS, ça se veut, je pense, hein, mais avec tous les avatars que l'on peut connaître aussi dans l'ESS, chacun en connaît, mais ça se veut quand même un projet qui veut savoir raison garder. C'est pour ça que j'ai introduit mon propos avec cette idée qu'au fond, on est dans la crise de la démesure et l'ESS à sa manière peut être une des réponses à ces démesures, hein, avec ce projet de la proximité, de la construction du lien social. Je ne dis pas qu'elle réussit toujours, mais cette idée qu'elle veut répondre à des besoins sociaux, par exemple, hein, et qu'au fond, dans un certain nombre de cas, l'ESS, elle se construit parce qu'il y a des besoins identifiés et qui ne sont pris en charge ni par l'État, ni par le marché. Hein. C'est comme ça qu'il y a des grandes associations qui se sont construites, type la Croix-Rouge, l'Association des paralysés de France, etc., etc. Quel rôle peuvent jouer des banques comme le Crédit Coopératif et la Nef dans l'ESS ? Bah, ce sont des acteurs de la finance solidaire qui sont tout à fait intéressants. Alors quel rôle ils peuvent jouer dans l'économie ou quel rôle ils jouent dans l'économie sociale et solidaire ? Les deux, mon capitaine. Bah, d'une certaine manière, ce sont des acteurs qui, en particulier, peuvent être déjà des financeurs de cette économie sociale et solidaire, avec cette idée qu'il leur faut aussi un petit peu, il faut aussi qu'ils soient capables de travailler en réseau, en quelque sorte, entre eux. Hein. Le Crédit Coopératif, c'est le premier financeur des associations, déjà. Et donc, c'est un acteur qui est capable de prendre des risques, le Crédit Coopératif, dès lors qu'il considère que le projet est un projet avec des finalités qui relèvent de finalités environnementales ou de finalités sociales. Donc, il peut prendre des risques pour eux. Et dans le même temps, c'est un acteur qui va limiter en quelque sorte la démesure de la capitalisation boursière, la démesure de l'accumulation pour l'accumulation, la démesure qui sera liée à la prise de risque complètement insensée par tel que celui qui a donné lieu au subprime à l'américaine, etc. Le deuxième élément intéressant que je vois par exemple dans un projet comme le Crédit Coopératif ou comme la Nef, c'est que ils sont très incitatifs pour que leurs adhérents, puisque c'est comme ça un peu qu'ils les appellent, eh bien, soient partie prenante d'un certain nombre de projets que viendrait ensuite financer le Crédit Coopératif. Donc on est vraiment là dans une sorte de solidarité interacteur, de partie prenante, hein, avec d'un côté un certain nombre d'individus qui amènent des fonds et de l'autre un Crédit Coopératif qui va aider des projets émergents avec des finalités de solidarité. Si une activité est solidaire ou coopérative, elle est classée automatiquement dans l'économie sociale et solidaire. C'est exclusif un petit peu de la vraie économie ? C'est une question sur laquelle j'ai pas de vraie réponse parce que je ne suis pas, par exemple, membre à titre personnel de l'acteur pour l'économie solidaire. Donc je ne sais pas exactement comment ils construisent leur cooptation, pourrions-nous dire, et jusqu'où ils demandent un petit peu de montrer patte blanche pour identifier que tel ou tel acteur peut relever ou pas du réseau d'acteurs de l'économie solidaire. Donc, mais dans le même temps, je sais que pour un certain nombre d'acteurs de relevant de l'économie solidaire, ils considèrent qu'ils sont un acteur économique comme les autres. Hein ? Donc il y en a un certain nombre qui, au contraire, même revendiquent le fait qu'ils sont un acteur économique comme les autres. Et d'ailleurs, ça peut conduire Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de caractère un peu vertueux, mais ce caractère vertueux a des limites. Je disais qu'il y avait de la limite dans le caractère vertueux parce que, au fond, un certain nombre d'acteurs voulant tellement être un acteur économique comme les autres, qui finissent par être plus zélés que les acteurs économiques les plus zélés. Et on sait par exemple que dans un champ que je connais bien de l'aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes, qu'il y a des acteurs qui relèvent de l'associatif véritablement et qui, pour se professionnaliser, réduisent leurs effectifs de bénévoles, veulent être des acteurs très sérieux et qui du coup se comportent comme des acteurs relevant de l'économie classique. C'est d'ailleurs dans l'ouvrage de Philippe Frémaux, dont j'ai oublié le titre mais qui se retrouvera facilement, le dernier ouvrage de Philippe Frémaux est tout à fait intéressant de ce point de vue là et parle vraiment du risque de banalisation de l'ESS, hein, et invite au fond, et je pense que c'est ça qui est intéressant, invite l'économie sociale et solidaire à toujours redéfinir ses missions et ses finalités. Et c'est vraiment la grande différence avec l'économie classique, c'est que lorsqu'il y a une invite permanente à renouer avec ce qui fait le sens de son activité, on prend moins de risques, sans doute, il y a un peu plus de garde-fous que dans une activité qui finalement oublie un petit peu les fondements qu'il avait créés au départ et part dans des activités complètement démesurées. Sans doute le Crédit Agricole en est l'un des exemples. Je crois que René a une question à poser. Suite à ce que tu avais dit tout à l'heure, est-ce que l'on pourrait considérer que l'économie sociale et solidaire est à la croisée de deux chemins ? Soit elle peut être une planche de salut pour le capitalisme, soit elle pourrait permettre son dépassement, voire son remplacement. Est-ce qu'elle est un peu entre ces deux choix possibles ? C'est une excellente question. Elle est à la fois la croisée des chemins et en même temps elle porte la tension permanente en son sein. C'est-à-dire que selon les trajectoires des acteurs et des unités de l'économie sociale et solidaire, certaines seront tentées effectivement de devenir un acteur comme un autre, parfois tentées par des entrepreneurs qui sont séduits par l'appât du gain aussi, on peut l'imaginer comme ça, en se disant finalement pourquoi ne pas, puisque je suis un peu concurrentiel, ne pas redevenir un acteur comme un autre. D'un autre côté, on a quand même le plus gros des troupes, qui sont souvent des petits acteurs assez humbles, qui cherchent véritablement à construire un projet de société qui rompent. Alors avec quoi ? Je sais là où il faut que vous attendiez les prochaines séances pour savoir avec quoi rompt le projet de l'économie sociale et solidaire, mais qui rompt sans doute avec les démesures que j'ai évoquées tout à l'heure, sans pour autant peut-être être le seul salut possible. Il ne faut pas non plus nourrir trop d'espoir dans l'économie sociale et solidaire. Il faut nourrir de l'espoir dans les citoyens, dans ceux qui, dans nous. Enfin, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi l'ensemble des acteurs qui le construisent. Mais il y a vraiment des acteurs qui dans les monnaies sociales et complémentaires, qui dans la finance solidaire autour des cigales par exemple, qui l'ensemble du réseau, vraiment qui se cherchent en même temps, mais des circuits courts alimentaires, que ce soit le réseau des AMAP, que ce soit Gab Nord, enfin il y a dans le Nord-Pas-de-Calais vraiment une multitude d'initiatives qui justement souvent peinent à être rendues visibles parce qu'ils foisonnent et un petit peu dans tous les coins, mais qui cherche, je pense, vraiment fondamentalement à rompre avec un capitalisme démesuré. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vivable ou viable dans le long terme ? Ça reste à voir. Oui, c'est bien un problème qu'il vient de poser. C'est un peu une espèce de marginalité quelquefois revendiquée par l'économie sociale et solidaire aussi. J'ai l'impression qu'on ne les connaît pas bien. Il y a l'exemple de la monnaie locale, j'y reviendrai certainement à la prochaine fois, la prochaine émission. Il y a deux ou trois monnaies locales à Lille. Je ne les vois pas, je ne sais pas où elles sont. Oui. C'est à la fois une chance et une contrainte de l'économie sociale et solidaire qui, comme elle essaye toujours de laisser libre cours aux initiatives citoyennes et de construction de projets à partir de l'identification d'un certain nombre de besoins sociaux, finalement, de ne pas considérer que d'être gros, c'est forcément une grande valeur. Et donc, contrairement justement au système capitaliste qui a pour moteur de grossir et de continuer une expansion un peu illimitée. Et donc, rester petit n'est pas normalement a priori un handicap dans l'économie sociale et solidaire, sauf que évidemment du coup elle tend de temps en temps à perdre un peu en visibilité en quelque sorte, parce que voilà, il y a une sorte d'un émiettement possible des acteurs, des projets qui sont portés. C'est peut-être aussi un acteur qui n'est pas toujours tenté par une médiatisation folle. D'ailleurs, moi, je l'invite à pas trop vouloir toujours être dans la communication, parce qu'on connaît aussi des acteurs de l'ESS qui souffrent un petit peu de cette communication un peu trop aiguë. Et donc, voilà, il faut aussi savoir raison garder et il faut être attentif, à l'écoute. Mais c'est vrai que cet émiettement est sans doute préjudiciable parfois. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs un peu fédératifs, des têtes de réseau qui se constituent depuis plusieurs années maintenant et qui essayent de faire gagner en visibilité l'ensemble de ces initiatives. Le mois de l'économie sociale et solidaire qui va s'ouvrir là au début du mois de novembre, dont vous allez sans doute rendre compte dans des émissions futures, et aussi fait partie un petit peu de cette communication, mais qui ne se veut pas une communication où chacun communique pour soi, mais où on est dans une communication coopérative en quelque sorte, hein, où c'est le mois de l'ESS, de l'ensemble des acteurs entre eux, c'est-à-dire ceux qui portent l'économie sociale et solidaire, mais aussi les consom-acteurs en quelque sorte, qui sont des usagers potentiels ou immédiats de cette économie sociale et solidaire, et puis pourquoi pas y mettre dans le coup, en tant que communicant et en tant qu'acteur, l'ensemble des collectivités territoriales qui évidemment participent du projet souvent, hein, puisque évidemment c'est souvent, ça se fait dans des partenariats assez complexes et en même temps tout à fait intéressants entre l'État et l'ESS. Les projets de l'économie sociale et solidaire, les monnaies sociales sont souvent aussi portées et financées un peu par les collectivités locales, par la LMCU, etc. Et du coup, il ne faut pas considérer que c'est l'un contre l'autre, mais c'est aussi, voilà, le projet coopératif, c'est pas de médiatiser pour soi, c'est de médiatiser pour tous, en quelque sorte. D'accord. C'est beau. Si je peux dire un mot en résumé, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que, en fait, l'ESS est marginalisé, et puis après, peut-être, il y aurait un risque de récupération. Bah, je commencerai pas en disant qu'il est marginalisé. Enfin, ça dépend de qui. C'est un peu difficile. J'ai pas laissé entendre qu'il était marginalisé. J'ai dit au contraire qu'il représentait 10% de l'emploi, que c'était quasiment à 3 points près l'ensemble des emplois de l'industrie. Par rapport au capitalisme classique, Il y a, en tout cas, c'est vrai qu'il se positionne quelque part entre l'économie de marché profitable et avec la lucrativité débridée d'une certaine manière, et quelque part sur un projet politique et autonome qui lui serait propre. Et là, on le voit entre les deux et il faut... voilà, maintenant, je pense que l'idéal, ce serait de faire venir des initiatives très concrètes et qui vous expliqueraient comment ils fonctionnent sur leur territoire, avec quels acteurs et pour quels projets de société. Encore une question. Il y a les régions en France où il y a plus d'économie sociale et solidaire ? Alors, je n'ai pas exactement les données sur le dynamisme de l'économie sociale et solidaire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le Nord Pas-de-Calais tire énormément son épingle du jeu. C'est-à-dire que c'est une région, mais on le sait depuis l'origine, qui a une part d'économie sociale et solidaire qui est tout à fait honorable, qui est aux alentours de 10%, même un peu plus. Il y a des régions du sud-ouest dans lesquelles on en trouve sans doute un peu plus. Mais en tout cas, en termes d'associations, mis à part l'Île-de-France, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais qu'il y a le plus d'associations. Donc on sent le poids du lien social, historique, de l'histoire, de la solidarité qui passe ou qui passe pas d'ailleurs par l'association. C'est-à-dire que l'association n'est pas non plus le seul réceptacle des liens de solidarité. Hein. Les liens de solidarité de voisinage, ils peuvent aussi perdurer sans qu'ils soient visibles, rendus visibles par l'association. Hein. C'est pour ça que c'est à la fois une question intéressante et une question complexe. Ok, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. C'est Antoine qui va passer... Eh bien, merci Florence. Merci à vous. Merci Christian, merci Germain, merci René. Eh bien Christian, qu'est-ce que tu as trouvé de beau dans les rayonnages des librairies ? Que je fréquente. Eh bien, dans les rayonnages de librairies, j'ai trouvé un livre de Martha Nussbaum, avec un titre que je ne pouvais pas louper, « Les émotions démocratiques ou comment former les citoyens du XXIe siècle ». C'est paru chez Climat en 2011, ça fait 205 pages et ça coûte 19,30 euros. 30. Martha Nussbaum est philosophe et américaine. Je devrais plutôt dire l'inverse, mais ça va aller comme ça. Elle nous fait partager avec cet ouvrage une réflexion qui pourrait bien être utile à Attaque et à toute organisation préoccupée du mauvais traitement de la démocratie dans nos pays occidentaux. L'angle d'Attaque, j'ai réussi à le placer celui-là, de l'ouvrage, c'est l'école. L'enseignement, l'éducation en un mot, où on ne fait pas ce qu'on doit faire, où on n'enseigne pas assez ou plus assez ce qu'on devrait enseigner. Et Martha Nussbaum de s'en prendre au gouvernement et aux responsables de l'éducation qui progressivement orientent les études vers la croissance économique. Bon, pas complètement, bien sûr, il y a des résistances, mais quand même. Et précise-t-elle utilement, ceux qui décident de cette éducation oublie de s'attarder sur les contradictions de la croissance avec les objectifs de la démocratie. Et de fait, les dirigeants politiques européens, dit-elle, repensent l'ensemble de la recherche universitaire dans une direction orientée vers la croissance, dit autrement, la conquête du marché. Le collectif d'universitaires sauvant la recherche sait de quoi elle parle. Or, le but des démocraties, qui veulent rester stables, ne peut et ne doit pas être simplement la croissance économique. Et Martha Nussbaum de se mettre en opposition en disant que la question centrale de l'éducation, c'est la culture politique. Comment on y arrive, ou plutôt comment y arrive-t-elle? En montrant que l'individu est traversé depuis la prime enfance par tout un questionnement complexe. Et elle prend un exemple assez étonnant. Elle parle de choc des civilisations. Cette monstruosité de Bush Junior, qui se fait, dit-elle, autant dans les têtes des enfants que dans la société des adultes. Et c'est là toute sa démonstration, il faut apprendre à l'enfant à être en rupture avec ça, sinon c'est le risque du suivisme, de la soumission à l'autorité, de la soumission aux hiérarchies. Je cite la dame, « Les êtres humains ont tendance à obéir à l'autorité et à la pression des pères. Pour prévenir ces atrocités, nous devons contrecarrer ces tendances et créer une culture qui permette le désaccord individuel. » Max Stirner, bonjour. Elle en appelle pour se faire la pédagogie socratique. Il faut dire que la dame a étudié le théâtre et la philosophie classique et grecque. Je rappelle que c'est une Américaine, que ce n'est pas forcément banal pour une Américaine de faire ses choix. La vie examinée, disait Socrate, ne mérite pas d'être vécue. Et Martha nous fait découvrir les pédagogues du questionnement, du débat, de la rhétorique. Bronson Alcott, John Dewey, Rabindranath Tagore et d'autres. Ces pédagogues qui ont saisi très tôt que la contribution des arts à la vie après l'école était de renforcer les ressources émotionnelles et imaginatives de la personnalité en donnant à l'enfant des capacités irremplaçables pour se comprendre lui-même et comprendre les autres. Tout cela ont pris le parti d'une éducation qui favorise l'esprit critique, celle qui permet de se faire ses propres critères de jugement, ses propres pensées, ses propres émotions. Et toi, Germain, as-tu des conseils de lecture à nous recommander ? Oui, un petit conseil pour vos prochaines vacances. Le Mexique, c'est fantastique. J'ai découvert un recueil de textes d'un révolutionnaire mexicain, Ricardo Flores Magón. Bon, replongeons-nous d'abord dans la Révolution mexicaine. C'est à partir de 1910 que l'insurrection armée débute, menée par Francisco Madero, aidée par les États-Unis. L'objectif est de renverser le général Porfirio Díaz, qui tient la présidence depuis presque 35 ans. Mais c'est après que ça devient intéressant, car une guerre civile éclate où se révèlent véritablement les courants de pensée qui revendiquent d'autres modèles sociaux. On voit des monarchistes, des libéraux, des anarchistes, les noms des meneurs désigneront ensuite le nom de leur courant. Au-delà des guerres de chapelle, on voit des unions incongrues lors de certaines batailles, par exemple les anarchistes avec les libéraux, mais c'est généralement de courte durée. Pour en revenir à ma lecture, c'est un recueil de textes, donc des idées de Ricardo Flores Magón, et accessoirement une biographie légère. Mais j'ai trouvé ça intéressant de se pencher sur un personnage pour comprendre une facette de la Révolution mexicaine. La plupart de ses écrits ont été couchés sur le papier dans la ville de Oaxaca, et d'autres lorsqu'il était en prison aux États-Unis, trahi par ses concurrents. Le seul allié sans faille qui l'encense dans ses textes est Zapata, qui a donné naissance au courant zapatiste. Un extrait pour se donner une idée. Évoquer une union de Villa et Zapata est absurde. Villa est un bandit qui protège les intérêts de la bourgeoisie. Zapata est un révolutionnaire sincère et intègre qui arrache la richesse des mains de la bourgeoisie pour la rendre à ses producteurs, les pauvres. D'ailleurs, ces deux courants, zapatistes et magonistes, sont encore actifs. Ils ont pris part aux insurrections en 2006 à Oaxaca contre un projet d'aéroport, il me semble. Oui, je crois que c'était l'aéroport d'Atenco. Atenco, exactement. C'est ça, merci. Manifestation sévèrement réprimée dans le sang. C'est triste, mais au moins, quand le capitalisme dépasse les bornes, là-bas, il se bouge. Je voudrais aussi vous citer un autre morceau choisi, un autre extrait concernant la propriété privée. L'autorité trouve sa justification dans le système de la propriété privée. Son rôle est de maintenir les inégalités en empêchant les pauvres de se ruer sur les nantis. Finissons-en avec la propriété privée et nous verrons se tordre à nos pieds l'autorité enfin agonisante, blessée à mort. Et donc ça s'intitule « Propos d'un agitateur, Ricardo Flores Magón », qu'on trouve aux éditions Libertalia pour 7€ et c'est paru en 2008. Viva la révolution, viva Emilio Zapata, c'est ça? Emiliano. Voilà donc deux livres, Antoine, qui sont à lire, très différents, mais ça fait partie de nos lectures. Et maintenant, si tu nous proposais quelques rendez-vous, sans oublier celui d'après-demain, bien sûr. En effet, Christian, le comité d'Ataclif fera le bilan de la présente émission sur le SL le lundi 22 octobre prochain à 19h30 à la Mresse rue Gosselet à Lille. Dans cette maison associative, les assises citoyennes se réuniront quelques jours après, le jeudi 25 octobre à 18h30. Entre-temps, le collectif contre l'austérité fera le point le mardi 23 octobre à 19h à la FAL, rue de Lille à Roubaix. Le thème de l'eau, qui reste important, sera cette fois-ci traité à Arras grâce au collectif OEAU Secours 62. En partenariat avec ATAC, Ricardo Petrella donnera une conférence dans le cadre des Journées de l'eau le mercredi 24 octobre à 19h à l'IUFM d'Arras. La politique de l'eau est même un enjeu social et démocratique. Tel est l'intitulé du forum le samedi 27 octobre de 15h à 19h en salle de l'Artria, située au 58 boulevard Carnot, toujours à Arras. Mais le mois de novembre sera marqué par deux rendez-vous militants majeurs. D'abord au niveau local avec Cité Philo qu'on va retrouver, qui posera la question « Quel réel ?» à travers ses différentes conférences du 8 au 28 novembre prochain, telles que « La démocratie imparfaite » le 14 novembre de 17h à 19h à l'Institut d'études politiques rue de Trévise à Lille. Et puis surtout, le militantisme, crise ou renouveau, point d'interrogation, le 17 novembre de 19h30 à 21h30 au Palais des Beaux-Arts, rue de Valmy à Lille. Évidemment, si vous voulez retrouver plus d'informations, je vous invite à surfer sur citéphilo, sans accent sur le .org. Et puis, également au niveau européen, avec le Forum Social Européen, le FSE, qui se tiendra à Florence, en Italie, du 8 au 11 novembre prochain. Des forces réunies pour une autre Europe marqueront cette prochaine édition, 10 ans après le premier forum organisé dans cette même ville italienne, qui avait alors pour slogan « Contre la guerre » et le néolibéralisme. Donc Florence 10+10 veut être un espace populaire voulant construire des alliances, des initiatives concrètes et communes, ainsi que des convergences pour l'action à l'échelle européenne. Bon, j'ai un contact par mail. Vous pouvez contacter info@Firenze, donc Florence en italien, F-I-R-E-N-Z-E, 1010.eu. comme European Union, en anglais Union Européenne. Mais le mois de novembre prochain sera également un moment de détente. Vous rappelez-vous de Nicolas Lambert et de son humour grinçant, comme ce fut le cas il y a quelques années, dans le cadre de sa mise en scène relative à l'affaire Elf, la pompe Afrique. Afrique en un seul mot. Hein. Toujours en solo, celui-ci revient pour un spectacle théâtral remontant le fil de l'histoire du nucléaire français, ses ors républicains et ses non-dits étouffants. Avenue Radieux, une fission française, sera programmée par la compagnie Un Pas de Côté le mercredi 14 novembre de 19h à 21h à l'Espace Culture sur le campus Université de Lille 1, cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Entrée gratuite sur réservation obligatoire. Pour ce faire, contactez le 03 20 43 69 09. Je répète, 03 20 43 69 09 ou écrire un mail à culture@univ-2.fr. www.lille1.fr. Si vous êtes vraiment allergique au thème du nucléaire, même traité de façon ironique, Sandrine Rousseau donnera une conférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique et intitulée « L'écologie, c'est social », le même jour, à 20h30, à l'AMRES, rue Gosselet, à Lille. Notons enfin que Travail et Culture propose une mise en scène théâtrale de la souffrance au travail. Ce sera le 16 novembre à 19h au théâtre Pierre de Roubaix, donc à Roubaix. Voilà, et bien vous pouvez retrouver le calendrier militant d'une manière plus exhaustive qui sera mis en ligne sur notre blog attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le samedi 17 novembre, de midi à 13h, reviendra donc sur l'économie sociale et solidaire, voilà, comme ça a été précisé. Eh bien, je vous souhaite à bientôt, bon appétit si vous êtes à table, bon week-end, merci Florence, Jeannicatrice, merci René, merci Christian et merci Germain. Merci Antoine. Merci.